Voilà 5 ans qu'on chemine ensemble, ça ne me paraît guère, guère plus loin qu'hier. Ce petit pli qui creuse ma face, cela n'est rien que le temps qui passe. Plus va la vie vers les lendemains, et plus j'ai envie d'être dans ta main. Ce petit pli qui creuse ma face, cela n'est rien que le temps qui passe. Voilà 10 ans qu'on chemine ensemble, ça ne me paraît guère, guère plus loin qu'hier. Ces deux petits plis qui creusent ta face, cela n'est rien que le temps qui passe. Plus va la vie vers les lendemains, et plus j'ai envie d'être dans ta main. Ces deux petits plis qui creusent ta face, cela n'est rien que le temps qui passe. Voilà 15 ans qu'on chemine ensemble, ça ne me paraît guère, guère plus loin qu'hier. Ces 3 petits plis qui creusent ma face, cela n'est rien que le temps qui passe. Plus va la vie vers les lendemains, et plus j'ai envie d'être dans ta main. Ces 3 petits plis qui creusent ma face, cela n'est rien que le temps qui passe.